caca en bois, des mocassins en papier vert foncé. Il te suggère de louer sa bonne foi, mais te conseille de toujours éloigner. Mais quel fou ce prêteur de rêve! Brûlons-le, le prêteur de rêve! Il reviendra! C'est con pour toi! Le printemps de rêve, le printemps de rêve. Il ressurgit malgré tous tes refus, prenant sur lui mais reparti en pire. T'as beau lui dire, tu l'as toujours au cul. T'as beau mentir, il reste plus que la cire. Mais quel fou ce printemps de rêve! Brûlons-le, le prêteur de rêve. Il reviendra. C'est con pour toi. Et s'il vient pas, bah méfie-toi. Le prêteur de rêve, le prêteur de rêve. Et toi ?